Mimésis. Chapitre 9. Bénédicte. Malgré la détonation, pas d'attroupement. Quelques fenêtres s'allument, s'agitent de têtes lourdes qui se recouchent aussitôt. Un homme est allé dans les ordures, même s'il s'est fait descendre, ça n'a rien de très étonnant dans le quartier. L'inspecteur a l'air moins serein. Je m'en inquiète. Tout va bien, inspecteur ? Le type est mort, vous voyez pas ? Mais c'est pas moi qui l'ai tué. Je veux dire, y a pas de sang, pas de plaie. En revanche, le mec a fui de partout, c'est dégueulasse. On dirait qu'il s'est étouffé, vous croyez à... Du poison, sans doute. Il l'aurait avalé lui-même. Il courait pourtant comme un dératé. Il a choisi sa mort. On a choisi pour lui. Le résultat est le même. Quelqu'un ne veut pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. Fouillez-le, inspecteur. Mais j'ai peur que vous ne trouviez rien. Ça me débecte, mais je me mets à palper le corps à la recherche du moindre indice. J'examine surtout ses doigts, en prenant bien garde à ne pas trop toucher la peau. Je voudrais pas connaître le même sort que lui. Les ongles sont sales, les mains gonflées et marbrées. Je lui ôte sa veste, que je déchire pour voir si rien n'est caché dans les coutures. Dans ses poches, quelques morceaux de papier griffonnés et usés par le frottement. L'écriture est quasiment indéchiffrable. Je note quelques numéros, sans trop savoir si ça a de l'importance. Je vais pour lui retirer son pantalon, mais la forte odeur d'excréments me coupe dans mon élan. Je recule. Prends une grande inspiration et... Inspecteur, j'ai trouvé son adresse. Pardon ? L'homme est inscrit au registre des identifications. Je viens de le trouver dans la base. Vous vous foutez de moi ? Comment vous pouvez avoir accès à... J'ai relevé ses empreintes, inspecteur. Ça fait partie de mes prérogatives. Nous avons son vrai nom désormais. Venez, c'est quand même à une bonne heure de marche. Dans ma tête, c'est un vrai cachet effervescent. Il y a quelque chose que je pige pas, ce registre... Seuls les flics peuvent le consulter. J'insiste. Elle m'explique. Nous l'avons hacké, inspecteur. Nous avons accès à plusieurs habilitations de haut niveau. Ce n'est hélas pas toujours suffisant. Mais je vous en prie, gardez vos questions pour plus tard. J'envoie quelqu'un s'occuper du cadavre. Pour le moment, j'obtempère, mais je compte pas en rester là. Ça me trouve le cul qu'on puisse pirater aussi facilement les archives de la police. Le chemin lumineux me guide jusqu'à un hôtel miteux, reconverti en hôtel de passe. Plus que des putes, c'est surtout des junkies qui y séjournent, et finissent souvent par y élire domicile entre deux descentes. À l'accueil, un pauvre gars, derrière une vitre en plastique couverte d'éclats. Je baisse la tête dans un geste d'assentiment. Moi aussi, j'aimerais pouvoir frapper ces merdes qui trafiquent la misère. Mais j'ai pas le temps de faire dans la finesse. Je sors mon flingue, et le pose sur le comptoir, le canon bien dans sa direction. Le taulier n'est pas con. Sans se faire prier, il me donne le pass de la chambre. C'est trop aimable. L'inspecteur enjambe plusieurs camées, hagard. Dans les escaliers, sous les yeux médusés de voyeurs, un couple fornique à même le sol. Tout dans leurs tripes, à peine défroqués. Les gestes sont pâteaux, et les à-coups irréguliers. Mais le peu de chair à découvert suffit à dresser les sexes inconstants. 323. Le badge ne fonctionne pas. D'un coup de pied, je fais sauter la charnière. Oh, tu parles d'un taudis. La lumière s'allume, fébrile, et colore une pièce unique d'un orange terne. Le sol est en pagaille, jonché d'emballages en tout genre. Sur le lit, autant de détritus, mais a priori, pas de seringue. Le mec était clean. Dans un endroit comme ça, c'est presque un exploit. Je commence à fouiller les lieux sans ménagement. Avec mon couteau, je fais sauter le verrou d'une table de chevet. Rien qu'une Bible que je feuillette à la va-vite pour voir si rien n'est dissimulé entre les pages. Dire qu'il y a encore des mecs pour croire à ces trucs-là. Je renverse le sommier, check sous le lit, dans les placards. C'est mort. Soudain, je remarque comme une bosse dans la mousse du matelas. Je tâte. Ouais, y a quelque chose là. D'un coup de canif, j'éventre le tissu et enfonce la main. Vous avez trouvé quelque chose, inspecteur ? C'est rempli de chiffres. On dirait un livre de comptes ou quelque chose dans le genre. C'est clairement pas un truc officiel, ça m'étonnerait qu'on note encore ça sur du papier. Mais du coup, pourquoi en avoir fait une copie à la main ? J'ai une idée. mettez bien le livre en évidence devant vous et faites-en défiler toutes les pages une par une. L'analyse ne prendra que quelques secondes. Je détecte une anomalie. Plusieurs entrées suspectes. Elles concernent des montants élevés et sont toutes portées au crédit d'un certain John Benedict. Bravo, inspecteur. Nous tenons une piste. Je vais de ce pas interroger ma base de données. D'ici là, disons que vous avez quartier libre. Puis-je vous suggérer d'aller vous alimenter ? Maintenant qu'elle le dit, j'avoue, je crève la dalle. J'ai rien avalé depuis ce matin. Je sors de l'hôtel et cherche sur mon téléphone un endroit où bouffer. C'est vrai, ma géoloc ne marche plus. Je me résigne à interroger la voix pour qu'elle me guide, mais c'est le silence radio. Tant pis. Je marche au hasard et finis par trouver un boui-boui dont le comptoir s'ouvre directement sur la rue. Le cuisinier, un chinois, y fait revenir des nouilles reconstituées, et la fumée qui s'en dégage, teintée par des néons d'un blanc vif, donne à l'endroit une allure surréaliste. Quelques clients déjà attablés mangent en faisant de grands bruits de succion. Ils s'évitent tous du regard, échangent parfois avec le cuistot quelques mots d'une langue que je ne parle pas. L'odeur de friture me fait saliver. En me faisant comprendre comme je peux, je commande une double portion. Le plat est bizarrement très correct par rapport à quoi je m'attendais. Je l'accompagne d'une bière de synthèse. Là, pas de folie, je choisis la référence dans le genre. J'avale un comprimé au cas où. Manquerait plus que je crève d'indigestion au beau milieu de nulle part. Inspecteur, je sais qui est Benedict. Vous pourriez pas me laisser finir le bouffer ? Le cuistot me lance un œil circonspect, commence à déblatérer un curry de mots auxquels je ne pige évidemment rien. Pardon, je vous parlais pas à vous. Je finis par quitter mon siège, emportant ma bière avec moi. Dans mon oreille, la voix débite sans se soucier si j'écoute vraiment. Ça n'a pas été simple. L'homme est discret et nous ne le connaissions pas. C'est un chercheur de formation. Mais maintenant, il est en charge de la prospective pour VRCorp en matière d'intelligence artificielle. Un poste clé, pas vraiment secret, mais à propos duquel ils ne font guère de publicité. On a ferré un gros poisson. Il s'agirait de ne pas le laisser filer. Et vous préconisez quoi ? Non, parce que c'est pas comme si je pouvais me pointer chez le gars en disant « Bonjour, je travaille pour un groupe secret qui cherche à détruire votre société. Auriez-vous 2 minutes pour parler de la fin du monde ?» Je sens de la raillerie, inspecteur. Ça m'attriste. Un peu. Vous êtes sérieuse ? Oh, et puis allez, dites-moi quel est votre plan. Parce que vous en avez bien, forcément. Je n'aime pas votre cynisme. Je veux vraiment vous aider. Oui, eh bien commencez déjà par me trouver un lieu sûr pour dormir et on en reparle. Je suis fatigué de vos conneries.